Le cerf et le dragon. Une histoire écrite et lue par J0305. Résumé. Drago s'entraîne à produire un patronus corporel. La nuit était paisible. Seule la caresse du vent faisant frétiller les feuilles des arbres rompait le silence. De longs cheveux blonds voltigeaient dans le courant d'air, attirant l'attention d'une certaine brune aux yeux verts. Drago agitait sa baguette en murmurant un sortilège inaudible et un minuscule dragon bleuté s'en échappa. Émerveillé, Harry la regardait de sa cachette quelques pas plus loin. Elle avait toujours cru que la Serpentard n'arrivait pas à effectuer un patronus corporel. Sans oser s'avancer pour aller lui parler, elle murmura néanmoins « Expecto patronum ». Le cerf galopa aussitôt vers le dragon, le saluant timidement, puis les deux apparitions se fondirent l'une dans l'autre, comme si elles ne faisaient plus qu'un, avant de disparaître. Surprise, la blonde se retourna pour voir d'où venait le cerf, mais la Gryffondor s'était déjà dissimulée derrière un mur de pierre. « Qui est là ?» demanda-t-elle. Pas de réponse. Elle se précipita dans le château, à la recherche de celui ou celle qui se trouvait là un instant plus tôt. Au détour des escaliers en colimaçon, elle aperçut furtivement un morceau d'uniforme rouge. « Attends, reviens !» tenta-t-elle désespérément. « Malfoy !» murmura alors une voix qu'elle ne connaissait que trop bien. « Potter !» Partie 2. Rêve. Résumé. Harry fait un rêve particulièrement agréable. Une silhouette gracile, de longs cheveux blonds et une moue dédaigneuse. Il s'agissait de nul autre que Malfoy, qui l'a tiré à sa suite dans la forêt interdite. « On va où ?» demandait Harry pour la troisième fois. Mais la Serpentard lui faisait signe de se taire. Lorsqu'ils arrivèrent sous le couvert du feuillage, Drago la poussa contre un arbre et l'embrassa sur les lèvres. C'était la dernière image dont la brune se souvenait en s'éveillant ce matin-là, confuse et légèrement déçue. Elle aurait voulu que le rêve se poursuive encore un peu. Dans la grande salle, elle repéra rapidement l'objet de ses désirs, qui se tenait entre Pansy et Blaise, l'air toujours aussi pincé et méprisante. Après le repas, Harry se rendit jusqu'à la table des verres et argent et demanda « Malfoy, je dois te parler d'un truc. Tu veux venir avec moi ?» La blonde parut ennuyée, mais ne refusa pas, au grand plaisir de la Gryffondor. « Qu'est-ce que tu veux, Potter ?»« Pas grand-chose. Je voulais juste savoir si je pouvais t'inviter à Pré-au-Lard demain. » Bouche bée, Drago entrouvrit les lèvres de stupeur. Elle voulut reculer, mais son dos percuta le mur. « Ok, » accepta-t-elle, finalement. »